Plus de guerre pour le diamant, plus de guerre pour de l'or. La guerre sublime avec tout temps de mort. Dans mon rêve, je ne suis pas le rêveur. Je ne suis pas l'utopique, le rêve est réel, l'utopie est le rêve. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we can. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Yes, we can. Yes, we can. Merci, mon ami Awadi, Didi Awadi, un Sénégalais, en fait, qui vit au Sénégal, mais qui est d'origine camerounaise et d'un père d'une autre nation. En tout cas, toujours est-il, fait partie de ces Africains qui souhaitent une grande Afrique, même peut-être d'avoir un président d'Afrique. Vous savez, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent, mais il y a des mouvements où on veut unir les pays africains et on a, dans la chanson de Didier Awadi, dans mon rêve, eh bien, on a entendu parler Obama. C'est quand même une grande époque qui vient de se terminer, la présidence de Barack Obama. Alors, les historiens jugeront mieux que nous ce dont il a été le précurseur ou l'instigateur, mais on peut comprendre que ça va beaucoup changer au cours des prochaines années. On n'a pas encore d'extrait de discours de Donald Trump à vous présenter. 17 minutes de discours lors de son investiture hier. Alors, c'est un des plus courts depuis l'histoire des États-Unis. Il y a même un président qui, à mon avis, a fait un discours de plus de 2 heures et il a attrapé une mauvaise grippe suite à ce discours parce qu'il faisait moins 30 en pleine tempête de neige. Et ce président, ben, est mort d'une pneumonie quelques mois plus tard. Donc, on souhaite voir la suite de ce que M. Trump propose. Et donc, une des bonnes nouvelles, peut-être, c'est l'abolition de l'accord de libre-échange. Donc, restez avec nous à la demi-heure. On a un porte-parole qui nous parle qu'effectivement, c'est peut-être une bonne nouvelle. Il y a des mouvements mexicains, états-uniens et canadiens qui souhaitent qu'on renégocie l'entente de libre-échange. Donc, si on ouvre l'entente, ça sera peut-être une bonne nouvelle. Donc, on aura des détails. Mais nous avons Mme Orphée Bichet avec nous en studio. Merci d'être là, Orphée. Bonjour. On se connaît pas vraiment, mais j'ai eu la chance de vous rencontrer suite à une invitation que j'ai eue. D'ailleurs, je vous remercie, le comité Oxfam de la capitale nationale, dont vous êtes coordonnatrice, Orphée, a organisé une belle exposition qui, en fait, est une exposition qui a déjà eu lieu à Montréal. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Moi, je vous ai vu au cercle devant ces photos et ces textes et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me dis, il faut absolument qu'Oxfam Québec vienne nous en parler. Oui, ben non, cette exposition, dans le fond, a été présentée au World Press Photo à Montréal l'été passé. Et c'est la toute première fois qu'elle est présentée à Québec. Et donc, c'est une grande fierté pour nous de pouvoir la présenter. Et à travers cette exposition, on essaye de poser une question aux gens qui est si vous arriviez à sortir 1 milliard de dollars d'un paradis fiscal, où est-ce que vous voudriez que ça aille? Et les 4, 5, en fait, photographes de cette exposition nous montrent des exemples d'initiatives sur le terrain. Donc, c'est des projets d'Oxfam sur le terrain, en Bénin, en Bolivie, en Palestine, Je l'ai fait en Haïti aussi. Et en Haïti, c'est ça. Puis aussi à Montréal, sur l'agriculture urbaine à Montréal. Je me demandais où est-ce que c'était. Mais je sais que c'était une photo prise par, au Québec par un photographe qui vit au Québec. Et je me demandais où est-ce que c'était. Est-ce que c'est sur un toit? Oui, ben, c'est ça. C'est les initiatives d'agriculture urbaine sur les toits de Montréal. Ça se fait de plus en plus. Ça se fait à Québec aussi. Ben oui. Ces photos-là auraient pu être prises à Québec. Ben, d'ailleurs, on les invite, les photographes, si jamais vous voulez. D'ailleurs, moi, les premières fois que je suis allé à des réunions d'Oxfam Québec, c'était au Centre culture et environnement Frédéric Bac, au troisième étage, d'où on peut voir un toit vert. Et sur le toit de cette salle de réunion où j'avais été, la salle Michel Jourdan, au troisième étage, la salle 324 du Centre Frédéric Bac, eh bien, il y a un toit vert où on peut cultiver. Et d'ailleurs, les Amis de la Terre ont fait une demande de subvention pour avoir deux étudiants dans le cadre du programme d'emploi été Canada, pour qu'on puisse s'occuper non seulement de ce jardin ou potager du toit vert du Centre Frédéric Bac, mais aussi d'autres projets qui pourraient se faire à travers la ville dans ce grand principe d'agriculture urbaine qui est supporté par plusieurs organismes. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est toujours une bonne nouvelle de voir qu'il y a une volonté d'autonomisation, puis c'est aussi le message qu'Oxfam Québec essaye de passer, puis développe dans ses pays partenaires. C'est vraiment un développement de capacité, une autonomisation des populations pour vraiment avoir le contrôle sur nos vies, sur nos décisions, sur la vie politique de notre pays. Et ce que j'ai trouvé intéressant, votre pétition, puis je pense que ça vaut la peine qu'on en parle, cette exposition, on peut aller et signer sur place la pétition qui nous demande d'exhorter nos gouvernements provincial et fédéral à agir afin de mettre fin à l'ère des paradis fiscaux. Vous êtes rendu à combien de signatures, le savez-vous? Au Québec, on est rendu à plus de 23 000 signatures. C'est très bien. Il faut savoir que c'est une pétition qui est aussi distribuée par tous les Oxfam du monde. Donc, il y a 18 Oxfam dans le monde. Et dans le monde, on est rendu à plus de 350 000 signatures. Et la pétition va être déposée dans pas très long aux différents gouvernements. Donc, on peut la signer au Cercle, effectivement, à l'exposition, mais on peut aussi la signer sur le site Internet, sur le site d'Oxfam Québec. Et je vous invite tous à la signer parce que c'est notre dernier round avant de déposer toutes ces voix. Puis, c'est la démonstration de la volonté de la population de changer la manière de faire du gouvernement. J'imagine que si on va au site oxfam.qc.ca, on va avoir tous les liens c'est possibles ça. Pour signer et rajouter une signature. Oui, la campagne s'appelle « À égalité ». À égalité. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on revendique exactement? À travers cette pétition, ce qu'on veut, c'est que les gouvernements changent leur manière de faire, qu'ils arrêtent les lois qui permettent si facilement aux grandes fortunes et aux grandes entreprises de cacher l'argent dans les paradis fiscaux. On est tous témoins, on est tous des victimes en quelque sorte de l'évasion fiscale, les coupures qu'on a vues dans ces dernières années sur les systèmes de santé, les systèmes d'éducation sont des liens, des conséquences directes de l'évasion fiscale. Et on peut imaginer que si tout cet argent qui est caché là-bas sur des petites îles paradisiaques pouvait revenir et servir le pays dans lequel elles ont été faites, ce serait un système social qui fonctionnerait beaucoup mieux. Et donc, on pourrait ramasser des milliards et des milliards d'argent pour compenser justement cette justice sociale. Alors moi, j'aimerais interpeller les gens, nos auditeurs. Si vous receviez un milliard de dollars pour lutter contre la pauvreté et les inégalités, qu'en feriez-vous? Parce qu'on peut répondre à cette question aussi sur site Oxfam Québec. Oui, et toutes les réponses sont compilées et seront aussi déposées au gouvernement comme preuve de la volonté de la population. J'anime une autre émission de radio sur une autre station et j'ai demandé à mon invité, qui était le président du groupe de simplicité volontaire de Québec, je l'ai invité à aller visiter cette exposition au Cercle Lab, qui est comme un espace réservé entre le cercle qu'on connaît pour les spectacles et le cercle restaurant. entre les deux, en entrant par le restaurant, à votre droite, vous allez voir cette exposition de photos initiée par Oxfam Québec au Cercle d'Art. Mais je pense que c'est un lieu qu'ils veulent que l'on l'utilise pour d'autres fonctions. Hein. Oui, et puis le Cercle, on est très heureux d'être partenaire avec eux pour cette exposition, car ils vont vraiment bien au-delà de juste exposer les photos. Ils vont organiser plusieurs ateliers avec les enfants, plusieurs, peut-être des conférences. Il faut garder un œil sur la programmation du Cercle à travers ça. Les photos sont exposées tout à travers le restaurant aussi. Là, il y a vraiment beaucoup de grandes photos, puis à chaque fois un petit texte explicatif du projet. Donc c'est vraiment très, très, très informatif et c'est des belles initiatives. On ne montre pas toute la tristesse qu'on pourrait penser quand on pense pauvreté, inégalité sociale. On montre des photos d'espoir, de projets qui fonctionnent, puis des belles initiatives. Et si je reviens à mon président du groupe de Simplicité volontaire de Québec, Jacques Delorme, à qui je demandais qu'est-ce qu'il ferait avec son milliard, ben il dit qu'il achèterait un édifice immense à Québec dans lequel il regrouperait des groupes qui s'intéressent à la pauvreté dans le monde et à expliquer des conférences aussi comment ça peut être possible d'être heureux dans la pauvreté. Il y a des grands auteurs qui font le lien entre la pauvreté volontaire, hein, pas seulement avec la simplicité volontaire, mais la pauvreté volontaire qui peut être une bonne chose pour l'économie, puisque si on ne vise que la croissance, ça a un impact sur l'environnement et le changement climatique. Et Oxfam s'implique beaucoup dans toutes sortes de domaines. Je sais que le conférencier Alain Deneau, très connu pour ses ouvrages aux éditions Éco-Société sur les paradis fiscaux, la lutte contre l'extractivisme par les mines. On a eu quelques livres célèbres, dont un qui était poursuivi par les minières canadiennes, Noir Canada, qu'on peut trouver sur Internet. Si on Google Noir Canada Alain Deneau, vous allez tomber sur le site, mais on n'a plus le droit de l'acheter. Donc, on encourage les gens à le télécharger sur Internet. Eh bien, Alain Deneau fait des conférences partout dans le monde sous l'égide d'Oxfam Québec. C'est quand même assez nouveau d'avoir un porte-parole de cette qualité et qui parle autant d'une manière engagée contre les paradis fiscaux. Oui, on a été très chanceux d'avoir un porte-parole aussi charismatique. Il a fait plus d'une vingtaine de conférences en 2016. Malheureusement, sa tournée est terminée avec nous, mais j'espère que vous avez eu l'occasion de le voir. Au Foire Écosphère ici à Québec, au Salon du Livre. À l'Université Laval, il est venu. Oui, on l'a eu à quelques reprises à l'émission Grain de Sable. C'est un habitué et on aime bien sa présence et son engagement. Mais il n'y a pas seulement qu'Alain Deneau, justement. Même, j'ai vu qu'Alain faisait des conférences en Europe. J'ai vu qu'il était très actif, peut-être plus ici, peut-être ailleurs en Europe. Mais ici même, je sais que Oxfam est associé à une activité à Montréal la semaine prochaine avec Maître Julius Gray, qui est un avocat très connu, un célèbre conférencier, avocat et juriste. Alors, Julius Gray sera à l'Université Concordia, l'École des affaires communautaires et publiques, sur la rue Mekkay à Montréal, le mardi le 7 février à 19h, ceux qui sont de passage à Montréal, ou des fois c'est possible d'aller sur le site des organisateurs pour voir des extraits de sa conférence. Mais il nous rappelle, Julius Gray, que une élite mondiale est enracinée et de vastes richesses et des grands milliardaires ont étendu leurs tentacules sur la Terre, exerçant un pouvoir extraordinaire sur les affaires mondiales. Un nouveau rapport d'Oxfam indique que 8 hommes possèdent la même richesse que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Oxfam nous rappelle que, également ici au Canada, où les deux plus riches milliardaires canadiens possèdent 33 milliards de dollars entre eux, ce qui représente plus de richesse que les 30%, c'est-à-dire 11 millions de Canadiens. Et pourtant, ces mêmes magnats de la presse, on n'en a pas de nom, essaient de réduire les prestations des travailleurs, les pensions et la sécurité d'emploi. Le désir de remplacer nos services publics par un nouveau revenu universel pour les riches et les pauvres qui appauvrirait davantage les citoyens. Donc, si vous voulez parler de ce sujet-là, Julius Gray s'associe à Oxfam. Mais est-ce, quel genre d'activité vous organisez ici à Québec, Oxfam, capitale nationale de Québec? À Québec, on fait beaucoup de mobilisation, de sensibilisation. Donc, on va aller dans divers événements, que ce soit des différents lieux, des cégeps, des tours de bureaux, mais on va aussi participer à des fêtes de quartier, organiser des conférences, vraiment dans l'idée de sensibiliser la population sur ces problématiques, parce que c'est, comme vous le dites, c'est quelque chose qui nous touche tous, qu'on soit salarié, qu'on ait des enfants, qu'on a besoin d'un système de santé. On est tous dans ce système qui ne nous correspond pas et qui est malheureusement beaucoup en faveur des plus grandes richesses. Donc notre travail est vraiment de sensibiliser sur ces questions-là et d'amener la population à réfléchir, à agir et à donner sa voix pour que le gouvernement les entende. Quand on regarde vos dépliants qui sont très bien décrits, Oxfam Québec, c'est aussi 65 employés au siège social, 884 bénévoles, 82 coopérantes et coopérants volontaires dans 23 pays, 169 partenaires outre-mer et à l'heure actuelle 102 projets. C'est immense, Oxfam Québec. Oui, c'est très gros, puis c'est grâce à l'appui de tout le monde qu'on arrive à faire tous ces projets. Et c'est des projets, comme je disais tantôt, qui sont vraiment de développement de capacités, mais il y a aussi des projets en assistance humanitaire. On a été présent pour Haïti. Vous avez dû voir ça passer dans les derniers mois. On a aussi beaucoup, on est très actifs localement, dans les écoles, à Montréal, à Québec, en région. On veut vraiment que ces questions-là ne soient pas juste discutées comme si c'était quelque chose qui se passe ailleurs. Ça se passe partout et on devrait tous pouvoir prendre en main notre destin. 5 bonnes raisons de soutenir votre force. Favoriser l'autonomie des femmes et des jeunes. Assurer le développement agricole et la sécurité alimentaire, fournir de l'eau potable et des systèmes d'assainissement et d'hygiène, lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes, donner de l'aide d'urgence lors de crises humanitaires. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de gens de Québec qui ont pu partir en stagiaire avec Oxfam Québec et régler de ces problèmes que vous soulevez? Dans nos bénévoles à Québec, oui, on a quelques-uns qui sont partis sur le terrain, comme ça, en coopérant volontaire. Je pense à un qui est parti en Haïti, deux ou trois missions pour aider à finaliser des projets pour que la transition se passe bien entre le moment où les partenaires d'Oxfam sont là et s'en vont du projet. On a aussi différents événements qui ont supporté, par exemple, un projet en République démocratique du Congo, où on finançait de l'assainissement de divers villages et écoles. Et on a financé ce projet-là à Québec à travers des soirées, à travers différentes collectes de dons. Et l'année dernière, on a eu la joie de voir que ce projet-là était terminé, que toutes les latrines publiques, puis l'assainissement des différentes écoles et différents villages, tout avait été construit exactement comme on le voulait. C'est des beaux accomplissements. Ça, on voit l'impact directement. Il y a encore de la place pour d'autres projets. Si il y a des gens qui sont intéressés à être bénévole pour Oxfam ou faire un stage à l'international, comment on procède? Alors, pour être bénévole, il suffit de m'écrire en général. Alors, donne ton adresse. Donc, c'est Comité Québec à commercialoxfam.org. Cette adresse peut se retrouver aussi sur le site d'Oxfam quand on clique sur l'onglet « Devenir bénévole » puis regarder sur la notion pour être bénévole dans la ville de Québec, dans la capitale nationale. Puis, pour partir sur le terrain, il y a différentes opportunités. On est partenaire avec USF, Québec sans frontières, et chaque année, plusieurs étudiants partent avec le programme de QSF pour des projets d'Oxfam. Et pour devenir coopérant volontaire, c'est aussi avec une volonté de vouloir partager son expertise, d'aller sur le terrain pour donner ses capacités et transmettre ses capacités. Donc tout ça sont des possibilités. Et je vois que pour les stages à l'international, c'est surtout pour les jeunes de 18 à 35 ans. Pour les stages QSF, oui. Oui, les stages. Et est-ce qu'il y a des dates limites qu'on doit connaître? Le recrutement se fait dans été-septembre. Et parce que c'est pour partir à l'été suivant et pendant toute l'année. Après ça, il y a plusieurs activités, plusieurs événements qui préparent les jeunes à partir sur le terrain. Donc, c'est dans le cadre d'un stage QSF, c'est Québec sans frontières. C'est ça. Ah oui, je me souviens, c'est l'ancien député Gilles Barry, alors qu'il était ministre d'État, qui avait fondé cet organisme-là dans le but d'encourager des jeunes à aller faire des stages à l'étranger. Donc, on finance un peu comme l'ACDI le faisait à l'époque. L'ACDI qui n'existe plus, mais qui travaille sur un autre nom, que j'ai cru voir d'ailleurs à votre exposition, qui est un des commanditaires, ça s'appelle Affaires internationales. J'avoue que je ne connais pas les anciens noms. mais maintenant, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc, si on veut être stagiaire QSF, il faut être âgé de 18 ans au début du séjour terrain 21 mai 2017 ou 35 ans, date limite d'inscription du stage, avoir son domicile permanent au Québec depuis au moins un an, posséder le statut de citoyen canadien ou de résident permanent et, dans les cas de stage public cible, répondre aux exigences particulières. Et donc, il faut aller voir le site. Il y a plusieurs possibilités. Mais le stagiaire doit quand même, participer à une formation pré-départ de 60 heures. Est-ce que c'est donné ici à Québec? Oui, c'est donné dans le lieu où les jeunes ont été recrutés. C'est souvent associé aux universités. Donc, 5 fins de semaine, on peut réaliser des activités de financement collectif et individuel pour essayer d'absorber le coût de projet qui peut aller jusqu'à 1 700 $ qu'on voit sur votre site. Ouais. Oui, c'est ça, mais en général, les jeunes sont très, très débrouillards à aller chercher cet argent-là. Oui, d'ailleurs, on peut communiquer avec le groupe de simplicité volontaire. C'est déjà arrivé que le groupe se fasse approcher par des gens qui partaient en stage comme ça, étant donné que ça aidait à la lutte à la pauvreté et qu'on pouvait aussi y retenir des expériences de simplicité volontaire. Hein. Souvent, dans les pays dans le besoin, on y voit des modes de vie qui, dans le fond, sont souvent simples et qui nous font penser que c'est peut-être possible de vivre comme ça ici aussi chez nous. Donc, il y a d'autres organismes aussi qui peuvent financer. Je me souviens même, les clubs optimistes donnaient de l'argent des fois. Donc, si ça vous tente de partir, faire une belle expérience, faire votre part pour améliorer l'humanité sur cette planète, eh bien, toujours possibilité d'être bénévole à Oxfam et de vous organiser pour partir à l'étranger ou même au Québec, je pense, il y a des possibilités de stage au Québec. Oui, des possibilités de bénévolat. Comme je disais, on organise quand même beaucoup d'activités ici dans la ville de Québec pour la sensibilisation, la mobilisation. Donc, on est toujours ouvert à toute aide et toute expertise parce que chacun arrive avec ses forces et c'est ça qui fait la force de notre groupe. Merci. Donc, vous êtes une bande à part très intéressante. Enchanté de vous avoir rencontré, Orphée. Merci beaucoup. Et c'est jusqu'à quand cette exposition au Cercle pour ceux qui veulent marcher jusque-là aujourd'hui? Elle est jusqu'au 3 mars. Jusqu'au 3 mars, alors on a le temps de le faire. Mais ça vaut la peine de semer des photos et la possibilité de signer une pétition, donc de faire votre part pour lutter contre les paradis fiscaux. Eh bien, c'est une façon de le faire. Merci beaucoup. Merci. L'humanité a une seule origine. Ceci doit nous permettre de nous rapprocher les uns des autres au lieu de nous éloigner et de nous haïr les uns les autres. Au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. C'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Ça fait bizarre qu'on te dise l'Africain number one. Ça fait bizarre qu'on te dise l'Africain champion. Ça fait du mal d'humilier tous ces millions, même millions qui te donnent pour que tu rayonnes. On nous a dit qu'on n'est pas civilisé, un bel alibi pour venir coloniser. On nous a nié le rôle principal qu'on a joué, le berceau de l'humanité, c'est bien là, on va pas déviser. Loin de nous va des rétro, la vanité, quelle vérité, renaissance avec humilité. Il faut le dire, pas altère à l'humanité, y'a trop de colibés qu'on a pris, qu'il n'a pas mérité. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont créé, commis ce que j'appelle, et je perds bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité. Il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité, et ils le savent. Xam sa bokk yaay kan sa jo santé nga jaar gëstu ba xam xaxante do jaxal na ndjay ciar wéddi na séni fenn budul benn du ñaar wax dëgg nit ko ñuul doomu kam bi ndal suñu histoire doom day bul xeb sa xet dafa mag def ngay jaloore ci jamono yu yagg afrigay ndey dunya yagg bot xel yu naaj civilisation bi jëkk fi la wacc ci ñun borom karaw yu gatt ak bakkan yu taaj ixnaton tout temps ka mom ba Ramsès II ci laak ci lepp xaxante ay finde lañu jox nit ñu ñuul lañu woon légui xam ko te dox mangi joy suma xam xam mangi saw alal ci san fete ma ginaaw suñu mare ti man le ñew nan ba bere yaqal ma climat ma neewal ma mangi joy suma xam xam mangi saw alal ci san fete ma ginaaw suñu mare ti man le ñew nan ba bere yaqal ma climat ma neewal ma par la connaissance directe l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la supercherie est finie. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. La formation égale la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'au temps de ce que j'ai dit à Obenga et arrachez votre patrimoine culturel. Ou alors, traînez-moi dans la boutique. Quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Mangi joy suma xam xam mangi saw alal ci san fete ma ginaaw suñu mare ti man le ñew nan ba bere yaqal ma climat ma neewal ma mangi joy suma xam xam mangi saw alal ci san fete ma ginaaw suñu mare ti man le ñew nan ba bere yaqal ma climat ma neewal ma. La nature n'a jamais créé deux fois la souris, deux fois le chat ou deux fois l'espèce humaine. La nature, au passage, crée une espèce, et puis ensuite, cette espèce se différencie, évolue, s'éteint ou se développe, se fragmente. Mais la nature ne revient pas en arrière pour créer trois fois l'homme ou deux fois l'homme. Elle a créé une fois l'homme en passant, et elle l'a fait en Afrique, c'est tout. Je suis allé au marché aux oiseaux, et j'ai acheté des oiseaux. Pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs. Pour toi, mon amour. Je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes. Pour toi, mon amour. Et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché. Mais je ne t'ai pas trouvé, mon amour. CKRL 89.1. Vous avez un produit ou un événement à promouvoir? CKRL double le nombre de diffusions de votre promotion à la signature de votre contrat. C'est facile? Signez et doublez. Contactez notre département des ventes au 418-640-2575, poste 209, pour connaître toutes les options qui vous sont offertes. Cette offre prend fin le vendredi 27 janvier. De retour à l'émission Grain de sable en compagnie de Pierre-Yves Serinet, porte-parole du Réseau québécois sur l'intégration continentale. Monsieur Serinet, merci d'être avec nous. Allô? Monsieur Serinet, est-ce que vous êtes toujours là? Allô? Ah, je pense qu'on a un petit problème avec Pierre-Yves. Peut-être qu'il reviendra avec nous. On vous dit qu'un communiqué de presse a été lancé cette semaine par ce groupe des groupes sociaux, en fait, du Mexique, des États-Unis, du Canada et du Québec, qui demandent un remplacement de l'ALENA en réponse à l'annonce de Trump de renégocier l'accord. Et Pierre-Yves Serinet nous disait que les promesses n'ont pas été remplies. Au contraire, nous avons assisté à une augmentation des inégalités, à l'appauvrissement de la grande majorité de la population et des pertes massives d'emplois, à l'accroissement de l'insécurité d'emploi, à la dégradation de l'environnement, à la détérioration de la cohésion sociale et à la montée de la violence. Alors, ce communiqué qui regroupe plusieurs organismes mexicains, états-uniens et canadiens, nous rappelle que, dans le fond, les réseaux de la société civile des pays d'Amérique du Nord, regroupant une diversité de syndicats, d'associations d'agriculteurs et de consommateurs, de groupes de femmes, d'organisations écologistes et d'organismes de défense des droits humains, travaillent ensemble depuis le début des négociations de l'ALENA en 1991. Ils se sont toujours montrés critiques des impacts de l'accord, revendiquant à maintes reprises que le modèle soit revu en profondeur. Ils regrettent, entre autres, cette possibilité ou toute tentative de dépeindre le nécessaire remplacement de l'ALENA en termes xénophobes et nationalistes. Alors, selon les réseaux, l'ALENA a été plutôt un modèle qui a élargi le pouvoir du milieu des affaires et de la grande entreprise au détriment des peuples et de la planète. Un échec indéniable pour les travailleuses et les travailleurs au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Les organisations sociales s'unissent. Donc, beaucoup de syndicats sont derrière ces organisations sociales, s'organisent autour de la demande d'une renégociation qui donne priorité à la satisfaction des besoins humains fondamentaux partout sur le territoire nord-américain face à la cupidité du big business et s'opposeront à tout nouvel accord qui ne respecte pas ce principe minimal. Alors, il y a même un organisme états-unien qui dit que nous savons qu'au cœur du débat sur le commerce, ce ne sont pas les États-Unis contre le reste du monde, mais plutôt les entreprises transnationales. Et Yves-Marie Abraham dirait, ce que j'ai entendu cette semaine, une conférence du comité décroissance des amis latins de Québec, il parlerait des entreprises monde qui contrôlent non seulement nos vies, notre temps, mais notre âme. Alors, nous savons qu'au cœur du débat sur le commerce, ce ne sont pas les États-Unis contre le reste du monde, mais plutôt les entreprises transnationales contre nous tous et toutes. Notre opposition aux accords de libre-échange qui ne servent que l'intérêt corporatif comme l'ALENA s'appuie sur le respect des droits du travail partout dans le monde, sur un engagement pour la justice environnementale et sur nos convictions pour un système de commerce qui place les besoins humains fondamentaux avant les profits des grandes entreprises. A affirmé Arthur Stamoulis, directeur exécutif de l'organisation états-unienne Citizen Trade Campaign. Victor Suarez, lui, de la plateforme, nous mentionne que le Mexique est bien mieux sans PTP, le fameux accord transpacifique. On explique qu'au Mexique, le gouvernement fait face à une crise de crédibilité et de légitimité sans précédent. Il a appliqué le dogme d'une façon si aveugle qu'il ne réalise pas que le néolibéralisme est depuis longtemps un échec et face à l'initiative de Trump, il est sur le choc et ne sait pas quoi faire. Mais le prochain président des États-Unis, donc qui est maintenant en vigueur, si on peut dire, se trompe en faisant de l'échec du modèle économique de l'ALENA une question anti-mexicaine. C'est une posture inacceptable qui ne servira pas non plus le peuple américain à moyen terme. Au Mexique, nous nous battrons pour que le gouvernement faible que nous avons ne cède pas aux solutions biaisées et racistes de Trump. Nous nous opposerons à toute proposition qui puisse avoir des conséquences négatives sur le développement équitable et durable du Mexique. Donc, il y a l'opposition au Mexique, hein, quand même. Nous avons élaboré, dit-il, M. Suarez, des pistes alternatives que nous comptons enrichir par le dialogue avec les organisations états-uniennes et canadiennes. L'échec du modèle appelle aujourd'hui à trouver une issue pacifique hors du cadre de l'ALENA qui soit basée sur des principes de développement social, démocratique et durable. Raoul Burbano, de son côté, du réseau canadien Common Frontiers, a avancé que tout accord de commerce doit être compatible avec les diverses conventions sur les droits humains qui sont en vigueur aux Nations Unies. Nous devons développer de nouveaux modèles de coopération et de complémentarité des échanges commerciaux selon le principe du commerce juste et des relations économiques basées sur la justice sociale, la souveraineté et le développement durable. Donc, on nous rappelle, Pierre-Yves Surinet, que j'aurais bien aimé avoir avec nous, mais semble-t-il qu'on a un problème de communication. J'essaierai de le rappeler avant la fin de l'émission, mais pour l'instant, Pierre-Yves Surinet nous dit dans ce communiqué tripartite, qu'on pourrait dire, il y a 25 ans, nous avons dit, et nous savons maintenant, que les bienfaits de l'ALENA ont été magnifiés afin de faire accepter l'accord par le grand public. Les promesses n'ont pas été remplies. Au contraire, nous avons assisté à une augmentation des inégalités, à l'appauvrissement de la grande majorité de la population, à des pertes massives d'emplois, à l'accroissement de l'insécurité d'emplois, à la dégradation de l'environnement, à la détérioration de la cohésion sociale et la montée de la violence, affirme Pierre-Yves du Réseau québécois sur l'intégration continentale. L'ALENA a opéré un déplacement du pouvoir en faveur des sociétés transnationales aux dépens des peuples de nos trois pays, entre autres par l'entremise de règles sur la propriété intellectuelle et l'investissement à l'encontre de l'intérêt public, de l'environnement et du pouvoir des parlementaires de les protéger. En fait, on ne se sent même plus protégé par nos propres députés. Ça ne va pas bien, a-t-on ajouté. En effet, l'ALENA a imposé un mécanisme de règlement des différends investisseurs-État qui donne aux entreprises le droit démesuré de contester les lois adoptées démocratiquement en poursuivant les États pour plusieurs millions de dollars par le biais d'un système de justice parallèle qui favorise les grandes entreprises. Ensemble, en coordination avec nombre d'organisations de la société civile de plusieurs pays, nous avons vaincu, dit le regroupement, en 2005, la tentative d'élargir le modèle ALENA par la création de la ZLEA, souvenez, la zone de libre-échange des Amériques. Et à ce moment-là, les groupes se sont opposés au partenariat transpacifique déjà bien avant les candidats à l'élection présidentielle des États-Unis. Donc, nos réseaux, et je crois que ça inclut Attac Québec, de toute évidence, ainsi que les animateurs de Québec, s'engagent aujourd'hui à consolider la coordination du mouvement social en Amérique du Nord et la convergence des divers acteurs sociaux et économiques pour combattre un modèle de commerce qui ne fonctionne toujours ne fonctionne pas par la majorité. Alors, nos réseaux ont commencé à définir les principes et les mesures concrètes sur lesquelles bâtir un modèle nouveau qui remplace l'ALENA et qui fasse passer l'intérêt des travailleurs et travailleuses, des agriculteurs et des agricultrices, des consommateurs, consommatrices et de l'environnement en premier. La coordination et l'élaboration de stratégies communes par-delà nos frontières s'intensifient afin de promouvoir des modèles alternatifs d'intégration régionale. Nous nous opposerons à tout accord qui ne bénéficierait qu'aux grandes entreprises aux dépens des peuples de la planète. Alors, c'était en fait un communiqué qui nous rappelle que, en réponse à l'annonce du président élu des États-Unis, Donald Trump, de renégocier ou de retirer l'accord de libre-échange nord-américain, ainsi qu'aux réactions du premier ministre canadien, Justin Trudeau, et du président mexicain, Enrique Peña Nieto, de larges réseaux de la société civile du Mexique, des États-Unis, du Canada et du Québec lancent depuis cette semaine un message clair à leur gouvernement. Tout processus de renégociation doit être transparent et ouvert à la participation de la société et le remplacement de l'ALENA qui en découlera doit inconditionnellement protéger l'environnement et améliorer le bien-être et la qualité de vie des peuples dans l'ensemble des pays de la région. Et ça, si Pierre-Yves Surinet est avec nous, pour vous le confirmer, on s'est connus à Paris dans le cadre des manifestations en lien avec la conférence des partis, ce qu'on a appelé la COP21 à Paris en décembre 2015. Et les manifestations, en fait, étaient beaucoup plus contre les ententes de libre-échange que peu importe ce que puissent faire les États pour protéger l'environnement. Et peu importe ces grandes conventions cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ou on devrait dire plutôt les dérèglements climatiques, eh bien, c'est pas ces ententes, ces conventions cadres onusiennes qui vont changer l'impact sur le productivisme, la croissance et l'augmentation de la consommation et des PIB et les PNB de tous les pays, mais c'est plutôt non seulement un changement du mode de vie qui peut avoir une influence, mais en s'attaquant au contenu des ententes de libre-échange, on a beaucoup plus d'impact sur la planète que ces conventions cadres de l'ONU. Donc, De là l'importance de voir peut-être d'un bon œil, enfin, quelque chose de bien qui pourrait arriver avec l'arrivée de Donald Trump à la tête de la puissance mondiale près de chez nous, eh bien, c'est de la renégociation de ces ententes de libre-échange. Take me out to the protest. Take me out to the crowd. Give me some slogans and songs to sing. I don't care what the riots would bring. So just root, root for solidarity. If we don't win, it's a shame. 'Cause it's just one strike and you're out of the politician's game. Take me out to the protest. Take me out to the crowd. Give me some slogans and songs to sing. I don't care what the riot squad brings. So just root, root for solidarity. If we don't win, it's a shame. 'Cause it's just one strike and you're out of the politician's game. Take me out to the protest. Take me out to the crowd. Give me some slogans and songs to sing. I don't care what the riot squad brings. So just root, root for solidarity. If we don't win, it's a shame. 'Cause it's just one strike and you're out of the politician's game. Merci, la chorale du peuple Occupons Montréal. Ben oui, ça nous vient d'Occupy Montréal, ce disque-là, et on veut vous sortir aux protestations. Pierre-Yves Sorinet, est-ce qu'il y aura des protestations à Montréal ou dans le reste du Québec pour demander de renégocier l'entente de l'ANENA? Ben, pour l'instant, bonjour à tout le monde d'ailleurs, en passant. S'il y aura des manifs, des protestations, c'est sûr que nous, on est en train d'activer là ou réactiver un dialogue trinational avec nos alliés au Mexique, aux États-Unis. C'est clair qu'on veut tirer notre épingle du jeu. On l'a vu, là, c'est confirmé. Donald Trump et son équipe économique là vont, d'une part, annuler leur participation au partenariat transpacifique et d'autre part relancer les négociations sur l'ALENA. Pour nous, c'est des bonnes nouvelles dans le sens où nous, ça fait longtemps là, qu'on le dit qu'il faut renégocier, repenser le modèle économique, l'ALENA qui n'a pas servi l'intérêt de la majorité. Donc pour ça, mais c'est clair que on est assez inquiet aussi de la position de le gouvernement Trump. On s'attend pas à ce que il renégocie l'ALENA pour le mieux. Au contraire, on le sait, l'ALENA a concentré le pouvoir entre les mains d'une minorité des grandes multinationales et a satisfait essentiellement leur soif de profit. Nous, on pense que l'ALENA doit être repensée, au contraire, en remettant la planète et les besoins fondamentaux des droits économiques, sociaux et culturels des populations. Donc, ça demande évidemment un rapport de force. Vous parliez de manifester, de protester. Nous, on appelle au gouvernement aussi canadien et québécois de jouer leur rôle là dans tout ça et de pas se complaire à dire non, ce modèle-là fonctionne, il faut seulement l'approfondir. Je pense qu'il faut le repenser en profondeur. Oui, ben, félicitations Pierre-Yves Surenet, porte-parole du réseau québécois sur l'intégration continentale. Et non seulement ce qui se passe avec l'ALENA, vous demandez aussi que cache le gouvernement Trudeau avec l'accord Canada-Europe, le fameux accord économique et commercial global AECG. Vous avez beaucoup travaillé pour lutter contre cet accord entre le Canada et l'Union européenne. Oui, regardez, nous, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement Trudeau suit carrément la politique conservatrice là, de maintenir l'idée de ce modèle-là, de déréglementation, de libéralisation, de privatisation. Nous, on dit, faut vraiment regarder ce qui se passe. Puis même le patronat là, québécois, canadien, doit regarder ce qui se passe. Il y a un questionnement profond là, du modèle économique. Donc, il faut pas continuer dans la même veine de libéralisation, parce que ça, essentiellement, ça répond pas aux besoins des populations, des travailleurs travailleuses. Ça répond certainement pas non plus aux grands défis là, qu'on doit relever en matière environnementale. Donc, il faut effectivement là, renverser la vapeur et surtout faire partie prenante des discussions. La société civile, c'est ce qu'on demande dans la renégociation de l'ALENA, c'est ce qu'on demande aussi au niveau avec l'Union européenne. On peut pas aller de l'avant avec un accord qui va ouvrir nos services publics aux intérêts privés. Il faut vraiment là remettre en question ce modèle économique qui a pas servi la population dans son ensemble. Et l'ALENA, le modèle ALENA, c'est ce qu'on essaie d'approfondir et d'élargir avec l'accord avec l'Union européenne, donner toujours plus de pouvoir aux multinationales, réduire la capacité de mettre de l'avant des politiques publiques d'intérêt général. Bref, c'est assez inquiétant et effectivement, il faut créer un rapport de force sociale. Il faut que les gens s'approprient les enjeux derrière ces accords-là parce qu'il faut remettre en question ce modèle économique. Votre réseau québécois sur l'intégration continentale a rencontré la ministre Chrystia Freeland à ce sujet. Elle est ministre des Affaires étrangères, elle a encore plus de pouvoir sur ses ententes de libre-échange. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut comprendre qui sont à l'heure actuelle dans l'AECG qui pourraient être une bonne nouvelle à inclure dans l'ALENA? D'entrée de jeu, je vais vous dire tout de suite, là, je sais pas où est-ce que vous avez pris que la ministre nous a rencontrés. La ministre, au contraire, a refusé de nous rencontrer. Ah bon? Et c'est le problème. Quand on dit qu'est-ce que cache le gouvernement Trudeau, c'est pourquoi ils n'ouvrent pas justement la discussion à des consultations larges par rapport à l'Union européenne. Et c'est ce qu'on va exiger aussi au niveau de l'ALENA. Il faut que soit partie prenante des discussions les ensembles des acteurs socio-économiques. Et non pas aller avoir l'impression d'avoir un chèque en blanc. Le gouvernement Trudeau n'a pas de chèque en blanc. Qu'est-ce qu'a ramené la ministre Freeland? Nous, on demande, il va falloir qu'elle écoute les populations, les mouvements sociaux, les organisations sociales comme le RQIC. Je pense qu'il faut faire le bilan, là, un bilan rigoureux. Là, c'est faux de dire que le modèle fonctionne. Là, le fonctionne. Il n'y a personne ici au Québec qui peut dire que après les 30 dernières années du modèle économique, hein, notre qualité de vie s'est améliorée, on a réussi à confronter et à relever les défis environnementaux. Au contraire, on assiste à une détérioration des conditions de travail, à une dégradation de l'environnement. Donc, il faut faire le bilan, faut partir sur des données concrètes et ouvrir la discussion largement parce qu'il s'agit d'un projet de société. Là, c'est vraiment ce dont on parle. Donc, nous, on déplore vraiment que la ministre aille de l'avant avec l'accord de l'Union européenne, soi-disant en disant qu'elle est très progressiste, ouverte sur le monde, le Canada ne va pas se fermer. Nous non plus, comme mouvement social, on ne dit pas qu'on va se fermer. Nous, au contraire, on dit qu'il faut être ouvert et on va construire avec les mouvements sociaux, avec nos alliés aux États-Unis, au Mexique, pour la région de l'ALENA, et proposer de grands principes, les mesures concrètes de révision du modèle économique. Donc, on est ouvert sur le monde, on doit penser, remettre les droits des populations, les enjeux qui sont planétaires, de civilisation sur l'environnement, au-devant et les faire passer avant la soif de profit à tout prix d'une université. Oui, effectivement. Donc, c'est dans ce billet que vous avez co-signé avec Louis Chabot de la CSQ, Claude Vaillancourt d'Attaque Québec, Simon-Pierre Savard Tremblay de Génération Nationale, d'autres syndicats dont Jacques Létourneau de la CSN. Vous mentionnez qu'il y a quand même une autre approche commerciale coopérative qui est possible et nécessaire afin de concilier les échanges commerciaux avec la protection des droits des peuples et de la planète. Donc, il y aurait possibilité d'améliorer ce genre d'entente de libre-échange. Oui, tout à fait. On pense qu'il faut changer les principes de base. Hein, le néolibéralisme pense essentiellement sur l'idée que le marché s'auto-réglemente, s'auto-conditionne lui-même, puis assure que tout le monde est gagnant dans le modèle économique. Nous, on pense qu'au contraire, il faut une présence de l'État qui soit active, qui oriente les investissements en fonction des intérêts de la population, en fonction du développement local, régional. Il faut remettre au devant des grands principes comme la coopération et la complémentarité. C'est pas vrai aujourd'hui là qu'on peut continuer dans ce modèle fou, hyper capitaliste, sans penser à la complémentarité, sans penser à des stratégies conjointes, par exemple en Amérique du Nord avec nos alliés américains, pour créer de l'emploi, mais aussi une économie locale de proximité et non pas toujours viser à les grandes exportations de long cours qui sont aussi détériorent l'environnement. Au niveau agricole, c'est clair. Là, pourquoi simuler un modèle qui a mis en crise, par exemple, le modèle agricole au Mexique, alors qu'aujourd'hui, à cause de ce modèle-là, les Mexicains doivent importer ce qu'ils produisaient autrefois eux-mêmes localement. Donc, il faut revenir à un modèle d'économie de proximité, on le dit aussi, puis il y a des alternatives au niveau agricole, par exemple, d'économie de proximité. Alors, quand on parle de l'Europe, puis on voit qu'on ouvre les vannes sur des importations massives de fromage qu'on peut produire ici, ben c'est problématique. Il faut revoir ce modèle-là et il y a effectivement donc des stratégies, des principes de coopération, de complémentarité qu'on peut, sur lesquels bâtir ces alternatives-là. Merci, Pierre-Yves Serinet. En terminant, on a jusqu'au 27 janvier pour participer à des consultations publiques, envoyer des mémoires. Est-ce que votre groupe a envoyé un mémoire pour ce projet de loi C-30 qui mettrait la SCG en vigueur? Et semble-t-il qu'il y a des problèmes dans le processus même de l'adoption du projet de loi, non? En fait, c'est que les consultations qui ont lieu depuis l'an dernier portent sur le partenariat transpacifique. Et on le voit, Trump vient de clouer un clou dans le cercueil du partenariat transpacifique. Donc, à la fin de ce mois-ci, jusqu'au 27 janvier, effectivement, les consultations sur le partenariat transpacifique ont cours au Canada. Alors là, on se dit, le RQIC a participé aux audiences, là, verbalement. On pense que déjà le PTP est pas mal terminé, conclu. Nous, ce qu'on déplore, c'est que sur l'accord avec l'Union européenne, qui, lui, est en plein processus de ratification, d'ailleurs, le gouvernement Trudeau va accélérer la ratification dans les prochaines semaines. Dès qu'ils vont rentrer, là, ils vont l'adopter carrément, cet accord-là, sans aucune consultation. Donc, ils reconduisent le modèle négocié par les conservateurs en nous disant, regardez, ce modèle-là est fantastique et progressif. Alors que il n'y a eu aucune consultation. Donc, vous voyez, on parle des deux côtés de la bouche. Donc, c'est assez problématique. Merci beaucoup, Pierre-Yves Serinet. Donc, on ne s'entend pas à mieux pour s'il y a renégociation de l'ANENA. Ça devrait être encore dans le même genre de processus. On pense et on l'exige dès maintenant. Là, l'ANENA, si la renégociation se fait, il faut que ce soit avec la participation des gens qui ont de quoi dire, des impacts des 30 dernières années en Amérique du Nord. Puis ça, le gouvernement Trudeau, qui se dit ouvert là et à l'écoute, devrait mettre en place rapidement là, des mécanismes de participation active. Merci beaucoup. Plus ça change, plus c'est pareil. Merci, Pierre-Yves Serinet. On remercie aussi Orphée Bichet d'Oxfam Québec qui est venu en studio. Donc, c'était Grain de sable avec Jean Cloutier à l'animation. Restez avec nous, les Geeks contre-attaque. 89 heures. Le gros lot du prochain tirage au loto 649 est évalué à 25 millions, en plus du million garanti. Et on rappelle que pas de billets, ben, pas de chance de gagner. Cet hiver, vivez l'expérience du Mois Multi, le Festival international d'art multidisciplinaire et électronique de Québec. Tout le mois de février, découvrez des performances et des spectacles inédits.